Pénétrez dans les coulisses de la recherche avec la revue Carnet de Sciences. Dans ce sixième numéro, entre phénomènes sociaux et avancées technologiques, un grand dossier sur l'union du sport et de la science. Plongez en eau profonde à la découverte des coquillages, sentinelles des océans. Hissez-vous au pic du Midi, la tête dans les étoiles pour observer notre système solaire. Explorez les mécanismes de la douleur et portez un autre regard sur l'histoire du continent africain. Reportages, photos, entretiens, points de vue à découvrir dans Carnet de Sciences, la revue du CNRS, tous les six mois dans les relais et librairies. Une porte qui claque, une araignée sur la manche, un lapin qui déboule devant les pneus de la voiture, une détonation, une adolescente découpée en morceaux dans un film. Tous ces stimuli conduisent à une même réaction de l'organisme, la peur. Un sentiment très partagé dans le monde animal, extrêmement bien conservé dans l'évolution et pour cause. C'est la peur qui permet la survie, c'est la réaction immédiate au danger qui permet de l'affronter ou de s'y soustraire. Mais que sait-on exactement de cette émotion primale et que se passe-t-il lorsque les mécanismes de la peur se dérèglent ? J'ai peur donc je suis, c'est le programme terrifiant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans les couloirs obscurs de la peur et de ses mécanismes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas. Bienvenue, bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes chercheur en neurosciences au Neurocentre François Magendy à Bordeaux et interne en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux également. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Touraine à Tours avec Catherine Belzung. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes neuroscientifique, professeur à l'université de Tours, autrice notamment de Neurobiologie des émotions en 40 pages, c'est aux éditions UPPR. Vous pouvez nous suivre, comme tous les jours, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite, mais notamment via l'application de Radio France, par exemple, que je vous invite à télécharger si vous ne l'avez pas déjà, ou celle de France Culture. En parallèle, via notre fil Twitter, auquel je vous invite également à vous abonner. C'est le compte @laméthodefc. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Arrête, j'entends quelque chose. Arrête ! Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Vous êtes cinglé! Non! Vous êtes fou! Arrêtez! Terrifiant, mais réel. Aidez-moi! Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse. Voilà la bande-annonce du film de Tobey Hooper, Massacre à la tronçonneuse. La peur, pourquoi on diffuse ce son en entrée? Parce que c'est ce sentiment paradoxal que l'on redoute, qui nous sauvegarde, et aujourd'hui pourtant que l'on suscite, que l'on chérit. Peut-être, Catherine Belzung, est-ce qu'aujourd'hui on cherche à se faire peur parce que nous, notre civilisation, aujourd'hui, nous a un peu prémunis de la peur? Finalement, on n'éprouve plus cette peur initiale, cette peur animale qui est en nous. Qu'en pensez-vous? Alors je pense qu'on peut quand même encore l'éprouver. Il y a des tonnes de situations dans la vie réelle où on peut avoir réellement peur. Après, il y a effectivement quelque chose d'assez intéressant dans notre culture où on cherche en fait à se faire peur également, comme si la peur avait quelque chose d'agréable aussi, en même temps d'être quelque chose de repoussant, quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Il y a aussi un côté un petit peu attirant dans la peur. Mais on verra peut-être un peu plus tard comment on pourrait l'expliquer? Bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi finalement c'est bon aujourd'hui d'avoir peur, alors que au contraire, finalement, Thomas, bienvenue, je le disais dans l'introduction, la peur c'est une émotion que l'on qualifie de très ancienne, très primale, primitive. Oui, dans le sens où l'entend l'émotion par la réaction comportementale à un danger, oui, c'est quelque chose de très conservé au cours de l'évolution et qui date vraisemblablement des organismes vertébrés les plus anciens, voire même avant. De quoi on parle finalement quand on parle de peur? Comment est-ce qu'on définit la peur par rapport à d'autres sentiments similaires que pourraient être le stress, l'anxiété, l'inquiétude? Qu'est-ce que c'est que la peur, Thomas Bienvenue? Alors, vous parlez d'une notion intéressante qui est le sentiment, et la notion même de sentiment n'est pas nécessairement invoquée quand on parle de peur ou d'émotion, puisque dans sentiment, il y a l'impression subjective de peur. Hein. La peur, telle qu'elle est conservée dans l'évolution, c'est davantage la réaction physiologique naturelle à un danger immédiat ou, pour ce qui concerne l'homme, imaginé ou distal. Catherine Belzung parlait de peur, par exemple, pour les animaux. Est-ce que c'est un peu une réaction anthropocentrée, anthropomorphique? Alors, on pense en général qu'effectivement, la peur, c'est une réaction conservée par l'évolution, puisqu'elle sert une fonction qui est de se soustraire au danger. Effectivement, imaginons que la gazelle n'ait pas peur du lion, ben elle risque fort d'y perdre la vie. Donc, c'est une réaction qui permet finalement d'éviter la prédation ou toutes sortes de dangers. Mais effectivement, dans certains cas, elle peut devenir excessive ou elle peut apparaître dans des circonstances qui normalement ne devraient pas la susciter. Dans ce cas, effectivement, elle perd ce côté adaptatif. Et dans ce cas, on peut aller vers des pathologies de l'anxiété et du coup, on sort un petit peu de la peur violente de base pour aller vers des choses peut-être un peu moins partagées avec d'autres espèces. Et on parlera dans la dernière partie de cette émission justement de ces troubles du rapport à la peur et à l'anxiété. Mais la question que je voulais, pour essayer de la formuler différemment, Catherine Melzoug, est-ce qu'on peut dire par exemple que l'antilope éprouve de la peur quand elle voit ou quand elle perçoit le lion s'approcher, de la même façon que j'éprouve de la peur quand quelqu'un me saisit par le col, un inconnu dans la rue? Est-ce que c'est la même peur? Jusqu'à quel point on peut parler de peur chez l'animal? Je pense notamment à une étude qui avait été faite sur la drosophile via une ombre d'un aigle qu'on faisait passer et qui, du coup, changeait de comportement et avait des comportements erratiques. Est-ce qu'on peut parler de peur chez la drosophile, chez la gazelle, chez l'humain? Est-ce qu'il y a une gradation, une distinction? Alors, assez souvent, en réalité, une manière de répondre à votre question, c'est de dire que la peur est quelque chose qui comporte plusieurs composantes, c'est-à-dire il y a une composante comportementale, ben par exemple dans le cas de la confrontation à un prédateur, comme vous l'évoquez, c'est un comportement de fuite ou de combat selon le cas. Ces comportements sont fortement préservés par l'évolution, puisqu'on trouve des comportements de fuite même chez des organismes unicellulaires quand ils sont en face d'un danger. Ensuite, il y a en plus de ce comportement des expressions. Bah, par exemple, dans l'extrait de bande-annonce que vous avez passé au début, on entendait une personne qui criait, qui hurlait. Donc ça fait partie de l'expression vocale de la peur. Il y a aussi une expression faciale de la peur. Donc ces comportements qui consistent à émettre des sons également sont quelque chose qu'on trouve y compris chez des insectes. Bien sûr, les insectes ou une huître n'aura pas l'expression faciale de la peur comme chez l'humain, puisque pour avoir une expression faciale, il faut avoir des muscles du visage. Donc pour ça, évidemment, ça on va le trouver uniquement chez des primates ou des mammifères supérieurs. Ensuite, une troisième composante en plus du comportement et de l'expression de la peur, il y a la composante physiologique, c'est-à-dire on a une accélération du rythme cardiaque, on peut avoir de la sudation, etc. Donc ces composantes aussi, on les trouve dans d'autres espèces, y compris chez des invertébrés. Par contre, ce qu'on trouve pas chez d'autres espèces, très probablement, c'est deux choses, c'est-à-dire c'est le sentiment subjectif, la conscience d'avoir peur, qui passe probablement par la perception des modifications corporelles, c'est-à-dire moi, si j'ai peur, je sais en même temps que de produire ce comportement de peur, il y a aussi le fait que je sais que j'ai peur. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect qui existe probablement pas non plus chez les animaux, c'est l'aptitude à revivre la situation antérieure. C'est-à-dire, si par exemple, vous pensez à une situation dans laquelle vous avez eu très peur, vous pouvez, quelques temps plus tard, ou même des années plus tard, revoir cette situation un petit peu comme un film intérieur. Donc ça, cette aptitude à voyager mentalement dans le temps et à faire ça dans les émotions, c'est aussi quelque chose qui probablement n'existe pas chez d'autres espèces animales. Thomas, bienvenue. Est-ce qu'on peut distinguer une gradation entre ce qu'on qualifie en général en éthologie de stress, typiquement l'expérience dont je parlais autour de la drosophile, ou une émotion plus complexe de peur? Et complément à cette question, est-ce que, y compris chez l'être humain, on peut catégoriser la peur en différents types ou en différents sous-types? Par exemple, la différence entre une peur réflexe parce que j'entends une porte qui claque et que je suis surpris, et une peur, la peur de me faire écraser par une voiture ou la peur quand je regarde un film d'horreur. Est-ce qu'il y a différentes composantes ou différentes sous-catégories de la peur? Alors c'est une question très complexe dans le nombre de réponses qu'on peut y apporter. Pour la première partie, est-ce qu'il y a une gradation? Difficile d'y répondre. Catherine Belzung évoquait très justement les différentes composantes. Les composantes un petit peu automatiques, on a le sentiment et la recherche chez les différents modèles animaux, la recherche en éthologie nous montre que c'est très conservé. Néanmoins, il est très difficile de montrer l'absence de réactions subjectives dans différents types d'animaux, en particulier les grands primates. Donc c'est difficile de parler de gradation. On peut vraisemblablement émettre cette distinction pour ce qui concerne la capacité à revivre des émotions, comme le disait de nouveau Catherine Belzung, se remémorer quelque chose avec un contexte émotionnel très fort. On a tous fait cette expérience. Voilà. Et donc la question, c'est qu'en fait, toutes ces peurs-là, quelles qu'elles soient, que ce soit la surprise, que ce soit le film d'horreur, que ce soit un événement traumatique, ça déclenche. Ce sont les mêmes réactions physiologiques, ou est-ce qu'il y a éventuellement une distinction que l'on peut faire là aussi? Alors pour ce qui est de la peur, les réactions physiologiques sont très conservées. Vous avez évoqué une autre différence qui, si on touche cette notion, concerne maintenant l'inné versus l'appris. Effectivement, il semble dans notre espèce et dans d'autres, chez le rongeur notamment, que notre répertoire comportemental soit capable de réagir de manière automatique sans aucun apprentissage à différents dangers. Et ça, c'est vraisemblablement inscrit dans notre génome, que l'on hérite de nos ancêtres phylogénétiques. Et la peur apprise pour des choses beaucoup plus abstraites, comme la menace d'un collègue ou d'autres menaces que l'on retrouve dans les pathologies anxieuses, donc qu'on va évoquer plus tard. Catherine Belzung, un mot justement sur cette notion d'inné et d'acquis qui est assez passionnante. Je pense à une étude qui a été faite sur des petits nourrissons de 6 mois qui ont présenté des images, notamment une image d'araignée, une image de fleurs, et qui instinctivement donc, puisqu'à 6 mois on peut difficilement imaginer que ce soit appris, avaient manifesté des réactions de peur, notamment des dilatations de pupilles, devant une image d'araignée ou de serpent. Ça veut dire qu'il y a une composante innée à la peur. Oui, c'est comme s'il y avait certains schémas sensoriels qui étaient, comment dirais-je, présents et qui suscitaient la réaction de peur sans aucun apprentissage, en fait. Donc, on trouve ça à la fois chez l'humain, c'est ce que vous avez évoqué, mais on le trouve aussi chez l'animal, c'est-à-dire, par exemple, chez les rongeurs, vous pouvez leur présenter certaines odeurs, si vous présentez une odeur de prédateurs, de félins par exemple, à une souris, elle va manifester spontanément des réactions d'évitement. Donc effectivement, ça, ce sont des peurs qui semblent présentes spontanément sans aucun apprentissage. Et après, il y a effectivement d'autres peurs qu'on apprend, c'est-à-dire on apprend qu'il ne faut pas toucher dans une prise électrique ou des choses comme ça, parce que ce sont des comportements qui nous sont transmis socialement. Et on reviendra sur cette question d'apprentissage de la peur, parce que ça devient effectivement intéressant quand on parle de troubles de stress post-traumatique pour comprendre comment se défaire d'une peur qui a été fondamentalement intégrée à un individu et de réussir à la découpler de certains types de réflexes. On va en reparler dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de la peur aujourd'hui, autant en éthologie qu'en neurosciences. Nous en parlons avec Thomas Bienvenue et Catherine Belzung qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Tours. Alors exactement, quel est le schéma aujourd'hui, Thomas Bienvenue, d'une réaction de peur? Qu'est-ce qui se passe quand un être humain, on va partir chez l'être humain ou éventuellement sur un modèle murin comme vous le souhaitez, si c'est à peu près la même chose, quand on soumet un animal ou un mammifère à un stimulus de peur, de danger? Alors, On va partir de l'hypothèse de travail que l'on connaît des modèles murins et modèles rats également pour s'imaginer ce qui se passe chez l'humain, mais il est important de bien se rappeler que toutes nos théories dérivent de l'expérimentation animale par le type d'expérience que l'on peut y mener, et on extrapole à travers différents outils que l'on abordera tout à l'heure à ce qu'on connaît chez l'être humain. Donc ces réactions également sont apprises pour la plupart de ce que l'on connaît. Ce n'est pas la peur innée qu'on connaît le mieux, et on l'abordera vraisemblablement autour du trouble de stress post-traumatique et de ses modèles animaux, mais nos connaissances sur les émotions dérivent de la peur apprise. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tout démarre du système sensoriel, on parlait d'une odeur tout à l'heure, où ça peut être un stimulus visuel, un stimulus auditif, et c'est la voix qu'on connaît le mieux. Et alors, on pense que dans la peur apprise, ce stimulus devient suffisamment fort avec l'apprentissage pour activer, pour déclencher l'activité de zones responsables du contrôle des émotions. On parle en particulier, dans ce qu'on connaît le mieux, de zones profondes du cerveau. On parlera de l'amygdale, à l'intérieur même de notre cerveau près des oreilles, ou du cortex préfrontal qui est situé à l'avant de notre cerveau. Ces circuits sont activés par le stimulus sensoriel. Ce qui se passe entre ces structures est vraisemblablement à l'origine de l'expression de l'émotion. On est encore au balbutiement de la connaissance de ces interactions. Et à la fin du processus et de l'intégration de ces stimuli sensoriels avec notre expérience, ces structures profondes du cerveau, notamment l'amygdale, envoient des efférences vers la base de notre système nerveux central, là, au niveau du tronc cérébral, vers les zones responsables des changements autonomes. On parlait tout à l'heure de l'hyperventilation, de l'augmentation de la pression artérielle, de la tachycardie, vers des zones comportementales, la fuite, l'immobilisation, les vocalisations, et vraisemblablement vers des zones responsables de l'intégration cognitive. On parlait du sentiment de peur tout à l'heure. Catherine Belzung, pour compléter, donc une fois on a ce début de réaction, il y a aussi évidemment toute une partie hormonale, endocrinologique, qui intervient pour pouvoir en fait augmenter la réactivité, pour pouvoir préparer le corps de l'individu à affronter l'éventuel danger qui est annoncé. Oui, effectivement, c'est tout à fait comme expliqué par mon collègue. En fait, souvent, on décrit un petit peu la peur, en fait, disons en tout cas les systèmes neurobiologiques de la peur comme un système à trois étages, c'est-à-dire un étage serait en fait constitué par l'amygdale qui, en quelque sorte, servirait de générateur et de coordinateur de la réaction de peur, qui enverrait effectivement, qui contrôlerait d'autres structures qui entraînerait la libération d'hormones, de neurotransmetteurs ou qui générerait des comportements de peur. Et puis par ailleurs, l'amygdale elle-même serait contrôlée par des systèmes de régulation de la peur, en particulier les systèmes préfrontaux qui permettent d'inhiber la réaction de peur. Parce qu'en même temps, on peut avoir très peur et ne pas le montrer. Ça, c'est possible au travers de ces systèmes de régulation qui nous permettent en quelque sorte de ne pas montrer qu'on a peur. Donc ça peut être utile dans certaines situations, par exemple. Alors évidemment, dans ce schéma, on a l'impression un petit peu que tout passe par l'amygdale. Alors l'amygdale elle-même est une structure complexe, c'est-à-dire elle est composée de beaucoup de noyaux. Et les travaux de ces dernières années ont permis un petit peu d'identifier au sein même de l'amygdale des noyaux. Alors d'abord, on identifiait l'amygdale latérale, basolatérale et centrale. Et puis maintenant, au sein même de ces noyaux, ont été découverts des sous-noyaux. Donc la description de cette circuiterie devient de plus en plus sophistiquée, de plus en plus complexe, avec aussi l'idée de cellules spécifiques qui seraient impliquées dans certains aspects de la peur. Mais en même temps, il y a aussi, parce que en partant de là, on pourrait s'imaginer que l'amygdale est en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la peur. Mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que des travaux récents ont aussi permis de montrer que l'amygdale est aussi impliquée dans d'autres comportements. Par exemple, elle est impliquée dans la douleur, ou bien elle est impliquée aussi dans le traitement de goût agréable. Donc, elle n'est pas forcément impliquée que dans des choses désagréables. Ce qui fait que, actuellement, beaucoup voient l'amygdale peut-être plutôt comme une région qui permet de détecter ce qui est pertinent pour notre survie. Donc ce qui est pertinent, ça peut être une menace de l'environnement, mais ça peut aussi être la douleur, par exemple, c'est quelque chose de pertinent pour notre survie, ou bien quelque chose d'agréable peut aussi être pertinent pour notre survie. En comparaison, effectivement, à un goût désagréable qui pourrait être dangereux par rapport à un aliment. Thomas, bienvenue. En plus de cela, et pour compléter évidemment cette distinction très importante, certains comportements émotionnels peuvent se dispenser d'amygdale. Par exemple, notamment en utilisant le passage de l'information neurale du cortex préfrontal vers le tronc cérébral directement, comme ça a pu être montré au laboratoire pour les comportements de peur contextuelle, alors on peut s'affranchir dans certaines conditions du contrôle direct de l'amygdale sur ces structures. Alors c'est vrai que quand on s'intéresse justement à ces mécaniques de la peur, l'amygdale revient toujours un peu comme l'horloge centrale qui coordonne l'ensemble de la réaction physiologique. Et il s'avère que, comme souvent en neurosciences, on s'intéresse à certains types de pathologies cérébrales qui, parce qu'une certaine région se met à dysfonctionner, bien du coup la réponse n'est plus tout à fait la même, n'est plus exactement adapté aux stimuli qui sont ressentis. Notamment, c'est le cas d'un documentaire que vous avez peut-être vu, qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Free Solo, sur le grimpeur Alex Ono, qui escalade les parois les plus escarpées du monde, mais sans aucune assurance et sans aucune corde. Et dans le documentaire, il se livre à une IRM fonctionnelle. Écoutez. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer mon rapport à la peur et pourquoi je peux faire du solo intégral. Certains pensent que j'ai besoin d'émotions fortes parce que j'ai un problème. Un journaliste m'a proposé de passer une IRM. Et j'ai trouvé ça plutôt cool de pouvoir comprendre comment ça se passe réellement. Pour savoir si tout est bien à sa place. Mon cerveau est intact ? Il est intact. Et il est plutôt intéressant. Ces deux petits points en haut de l'image, c'est l'amygdale. Ce qui est intéressant, c'est que votre amygdale ne s'active pas. Il ne se passe pas grand-chose dans mon cerveau. Vous pensez que mon amygdale ne fonctionne pas ? Elle fonctionne, mais il lui faut un niveau de stimulation beaucoup plus élevé. Ce qui est stimulant pour la plupart d'entre nous n'a pas beaucoup d'effet sur vous. Voilà, extrait de ce documentaire Free Solo sur le grimpeur Alex Ono, et une réaction l'un et l'autre. Catherine Benzung, à cet extrait. Oui, alors bon, j'ai pas vu le documentaire, mais effectivement, on peut se dire que le seuil de déclenchement de l'activité de l'amygdale doit être très variable d'un sujet à l'autre. Effectivement, chez ce sujet-là, il faut un seuil très très élevé pour que l'amygdale s'active. Chez d'autres auront un seuil moyen, et chez d'autres probablement le seuil est trop bas, et dans ce cas, on aura plutôt des pathologies anxieuses. Enfin, on pourrait s'imaginer les choses un petit peu comme ça. Thomas, bienvenue. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est impliqué à la fois dans l'adaptation et dans la pathologie. On peut se profiter de cet extrait également pour se rappeler que ce changement d'activité chez cette personne qui éprouve moins de peur renvoie à la constitution même des circuits de la peur et de tous les contrôles complexes qui s'y exercent. En particulier, on a parlé du système hormonal, donc la morphine endogène, par exemple, les endorphines, ou un autre neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Et en effet, au sein même de l'amygdale, il existe une myriade de types de neurones différents. Les neurones qui libèrent le glutamate contrôleraient l'expression de la peur, et ils sont sous le contrôle de ces petits neurones, ces interneurones GABAergiques, qui sont bien moins nombreux mais bien plus connectés. Et chez ces personnes qui éprouvent moins de peur, on a pu montrer dans certaines expériences fonctionnelles ou post-mortem l'abondance du GABA pour contrôler l'amygdale. J'aimerais qu'on parle aussi, qu'on se mette à l'autre bout de la chaîne, et on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, c'était rigolo dans la bande-annonce, enfin rigolo quand on parle de massacre à la tronçonneuse, je sais pas si c'est le bon adjectif, mais on entendait un film à couper le souffle, on parle de peur au ventre, donc toutes ces expressions qui sont le souffle coupé, au contraire, on a la sudation, l'augmentation du rythme cardiaque, peut-être une légère élévation de la température. Quelle est la variété en fait de ces réactions qui sont liées à la peur? On sait que certaines personnes en situation de danger s'enfuient, d'autres sont au contraire immobilisées, qui sont paralysées vraiment par la peur. Pourquoi est-ce que cette variété de réactions, comment se fait-il qu'elle soit si grande, et comment nous prépare-t-elle finalement à réagir au danger, Catherine Benzung? Alors, la variabilité dans l'expression de la peur, en tout cas, elle a été pas mal étudiée chez l'animal. Par exemple, chez le rongeur, il a été remarqué que quand le danger auquel le rongeur est exposé est situé très loin, par exemple, on va imaginer un prédateur, il est situé très loin, à ce moment-là, ce qui est adapté pour le rongeur, c'est de ne pas bouger. Parce que le mouvement risquerait d'être détecté par le prédateur, alors que s'il reste immobile, il risque d'être confondu avec le paysage et de ne pas être détecté par le prédateur. Donc finalement, si le danger est lointain, c'est adapté de ne pas bouger. Par contre, évidemment, si le rongeur se trouve sous le nez du chat, ben là, évidemment, ne pas bouger est fortement inadapté. Et dans ce cas, l'animal va manifester en général une réaction genre de combat, il va essayer de mordre, d'attaquer le prédateur, par exemple. Donc en fait, on se situe dans deux extrêmes. En anglais, on appelle ça souvent « flight or fight », c'est-à-dire « fuir ou combattre », en fonction en fait de ce qui est le plus adapté dans la situation dans laquelle se trouve l'animal. Thomas, bienvenue sur, par exemple, sur les réactions que l'on peut avoir comme, alors on imagine bien que l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle, c'est pour irriguer plus les muscles. Il y a aussi, je crois qu'il y a un shot de glucose qui se déclenche. On n'a pas parlé de l'adrénaline non plus qui arrive en bout de course. Peut-être vous pouvez faire un tour un peu de ces réactions-là. Alors elles sont nombreuses et on peut, la façon dont on se l'explique de manière évolutive, effectivement, c'est pour faciliter la fuite ou le combat. Donc j'irrigue davantage mes muscles, mon cerveau, j'accélère ma pression, ma fréquence cardiaque, j'augmente ma pression artérielle, j'ai besoin de glucose, donc je libère du glucose dans la circulation sanguine. Il est intéressant aussi de faire la remarque que les réactions autonomes de cette manière s'intègrent aussi à nos impressions subjectives dont on parlait tout à l'heure, de ce qu'est une émotion. On se rapporte très souvent à des réactions un petit peu qu'on appelle viscérales. Quand on parle de peur et d'anxiété, effectivement... La peur au ventre. La peur au ventre. Non seulement on l'a de manière automatique, mais on l'éprouve, on le ressent et on l'utilise pour décrire nos émotions. Donc dans tout ce répertoire qui est extrêmement complexe, qui est médié par notre cerveau et également notre système nerveux périphérique, on a l'interrelation entre le conscient et l'inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces autres expressions que peuvent être la sudation, la dilatation des pupilles, ce sont des relations de peur sociale, Catherine Belzung, c'est-à-dire que ce sont des façons de transmettre la peur à autrui, c'est-à-dire de communiquer le danger aux individus à proximité. Oui, effectivement, cette peur par imitation, en quelque sorte, est un mécanisme également très très puissant. On le trouve souvent dans des espèces grégaires, par exemple, où un animal détecte le danger et puis les autres animaux, et donc cet animal-là va présenter une réaction de fuite, les autres animaux du groupe spontanément vont faire la même chose alors même qu'ils n'ont pas vu le danger. Donc ça permet évidemment de soustraire l'ensemble du groupe au danger, pas seulement l'individu qui a été le premier à le détecter. Ça, effectivement, le comportement de peur peut avoir une utilité de sauver l'ensemble du groupe. Ensuite, l'expression de peur au niveau facial ou vocal. Ou hormonal aussi, à travers la sudation. Je crois qu'il y a des expériences qui ont été faites sur la sudation et sur la nature de la sudation de personnes qui avaient été soumises à des stress, et que par la seule odeur, on peut susciter chez autrui une réaction, ou en tout cas, pareil, déclencher en tout cas les premiers signes de la peur. Oui, effectivement, ça permet de signaler à autrui son état subjectif. Ça peut être dans certains cas, adapté dans un groupe. En même temps, ça peut aussi signaler aux prédateurs, par exemple, l'état de la proie. C'est-à-dire que si la proie commence à hurler, ben le prédateur, ça lui permet de repérer la proie. Donc, c'est pas forcément toujours très adapté. Sur cette composante olfactive, le canal olfactif de transmission de la peur, peut-être un mot, Thomas, bienvenue. Alors le canal, comme vous l'appelez, la voie olfactive, elle est en tout cas très importante dans l'évolution, et c'est le cas des rongeurs qui ont une énorme partie de leur système nerveux central dédié à l'olfaction. Il semblerait que ça disparaisse au fur et à mesure, en tout cas jusqu'à l'être humain, où on dédie beaucoup moins de nos fonctions neurales à la perception de l'olfaction, mais on a hérité évidemment de certaines de ces fonctions. Tubular Bells de Michael Field, une musique qui normalement vous dresse les poils sur les bras, parce que nous n'avons pas parlé de l'horripilation, qui est un autre des réflexes provoqués par la peur. Et puis c'est la musique évidemment qui était utilisée pour le film L'Exorciste de William Friedkin. Nous parlons donc de la peur tout au long de cette heure avec deux invités. Thomas, bienvenue, qui est ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris, qui est chercheur en neurosciences au Neurocentre François Magendie à Bordeaux, également interne en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrins, et en duplex depuis les studios de France Bleu Touraine, Catherine Belzoun, qui est neuroscientifique, professeure à l'université de Tours. Alors, on a parlé des mécaniques générales de la peur. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe lorsque la réponse à la peur est dysfonctionnelle, notamment dans un cas bien précis qui a été déjà évoqué tout à l'heure dans la première partie de cette émission, qui est aujourd'hui très largement documenté scientifiquement. Il s'agit du syndrome de stress post-traumatique. Bonjour Éléonore Pérez. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré Pascal Gisquet-Verrier à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, qui travaille précisément sur ces questions liées au STPT. Et oui Nicolas. Au TSPT, pardon, je me suis trompé de lettre. Voilà. TSPT. Alors contrairement à la théorie couramment admise de consolidation de la mémoire, ces récents travaux montrent qu'une caractéristique majeure des nouveaux souvenirs, c'est qu'ils sont malléables. Lorsque l'on réactive un souvenir, il va ainsi être capable d'intégrer de nouvelles informations. Pascal Gisquet-Verrier nous explique le principe du remodelage émotionnel dans un modèle de rat préalablement soumis à un stress post-traumatique. Cette procédure permet de réduire l'émotion négative qui entoure le souvenir traumatique réactivé dans un contexte agréable. Il faut bien entendu préciser que ce protocole expérimental a été soumis et approuvé par un comité d'éthique et que tout a été mis en œuvre par les chercheurs pour respecter et garantir le bien-être animal. Effectue nos stress post-traumatiques. Ce stress consiste à donner trois étapes différentes et successives pendant la même journée à l'animal. Ça commence par une contention, donc on les place dans des tubes, hein, qui sont un cylindre en plexiglas dans lequel l'extrémité permet à l'animal de respirer. Il est maintenu dans ce cylindre bloqué et il reste 2 heures dans ce cylindre. Il comprend assez vite que ça sert à rien de se débattre parce qu'il va pas pouvoir sortir. Donc après une petite période où il s'agite et en essayant de sortir, ils se bloquent dans un coin puis ils attendent que ça se passe. À la suite de quoi, ils ont une nage forcée. Donc on a des cylindres dans lesquels que l'on remplit d'eau à température 24-25 degrés et donc ils doivent nager, barboter pendant 20 minutes, ce qui est quand même assez stressant pour les animaux. À la suite de quoi, on les prend, vous voyez, on a des serviettes éponges, on les sèche, on les met sous une lampe pour les réchauffer parce que bon, ils sont fatigués, donc leur met 15 minutes de repos. Et dernière étape, on les enferme dans une petite boîte dans laquelle on a mis de la carboglace. Carboglace, quand elle fond, fait des aminations d'oxyde de carbone et donc l'animal perd conscience assez rapidement quand il est enfermé dans cette boîte. Dès qu'il perd conscience, on le sort, on le ranime et puis il retourne dans sa cage d'habitation, dans l'animalerie. Les sujets traumatisés réévoquent leur traumatisme dès qu'ils entendent un bruit ou qu'ils voient quelque chose qui rappelle un élément de la situation du traumatisme. Qui ravive un peu la mémoire de la peur. Mémoire, qui induisent des flashbacks, etc. Donc on essaye après de restaurer, de jouer comme on ferait chez l'homme, de réactiver leurs souvenirs qu'ils ont de cet épisode en les replaçant dans des portions qui en elles-mêmes ne sont pas stressantes mais qui doivent leur rappeler le stress dans lequel ils ont été placés. On a une odeur qui plane dans la pièce où s'effectue l'expérience, qui n'ont rencontré que la journée du traumatisme. On a des sons aussi qu'on couple avec ces différentes phases. Donc après les 15 jours pendant lesquels on laisse cette pathologie se développer chez les animaux, on va tester leur niveau d'anxiété à travers différents tests. Et en gros, on a entre 30 à 50% d'animaux qui, à la suite de cet épisode de stress post-traumatique, va développer une pathologie avec une augmentation notable de l'anxiété et une réactivité de sursaut anormale. Est-ce qu'on sait pourquoi tous les rats ne développent pas cette pathologie ? Ce qu'on sait, c'est que normalement, on doit être capable de traverser cette épreuve et de revenir à un niveau de peur normal. Et ce que l'on voit, c'est que les rats, comme les hommes, chez certains d'entre eux, ne sont pas capables d'effectuer ces processus de régulation. Et c'est justement cette absence de capacité à revenir à un état de base qui va être à l'origine du développement de la pathologie. Alors, une fois qu'on a déterminé notre population de rats, donc contrôle, exposés exactement aux mêmes indices, mais qui n'ont pas été exposés au stress, on a une population qui a été stressée, mais qui n'a pas développé la pathologie, puis on a une troisième population qui a été stressée et qui a développé la pathologie. Et tous ces animaux-là, on va les partager encore en deux groupes, et le groupe qui va avoir un remodelage émotionnel avec une molécule, et un groupe qui va avoir un remodelage émotionnel avec de la saline. Du sérum physiologique. Et pour cela, vous utilisez donc de l'amphétamine, c'est ça ? Alors, on a utilisé pour les premières fois, et c'était un peu par hasard, je dois dire, de l'amphétamine. D'abord, l'amphétamine a déjà été utilisée comme traitement pour des stress post-traumatiques. Il y a eu aussi un certain nombre d'études qui disaient que si l'amphétamine et le MDMA avaient été efficaces, c'est peut-être parce que les deux molécules étaient capables de libérer de l'ocytocine, une hormone du lien social. Et c'est une hormone dont on a montré depuis qu'elle était capable de diminuer notablement les processus émotionnels. Nous, on a commencé, parce qu'on voulait être sûr de nos effets, en injection directe dans le cerveau. Donc en fait, vous leur faites des petits trous dans l'os du crâne et vous injectez une aiguille dedans. On met des guides, on cimente tout et le jour de l'expérience, on va délivrer le produit exactement à l'endroit où on a passé ces guides pour que le cerveau reçoive cette molécule. Donc le jour du remodelage émotionnel, on va d'abord commencer par donner cette molécule aux animaux pour qu'ils soient dans un état relaxé de diminution d'anxiété. Et puis ensuite, on va réactiver le souvenir traumatique en les exposant aux fameux indices de rappel qu'on a délivrés pendant l'apprentissage. On voit qu'effectivement, ils ont des manifestations de stress quand on délivre ces indices, mais bon, qui sont un peu atténués. Et c'est ultérieurement, une semaine après à peu près, on va reprendre l'ensemble de nos animaux et on va de nouveau regarder leur niveau de stress, leur niveau d'anxiété, leur niveau de sursaut. Et alors, est-ce que le traitement est efficace ? Chez les animaux qu'on a traités avec l'ocytocine, on a 83% de nos animaux qui ne rentrent plus dans le critère des animaux vulnérables. C'est-à-dire qu'ils sont passés maintenant dans la catégorie résilience, ce qui est énorme pour des expériences de ce type. Et on a fait même des tests qui vont jusqu'à 3 semaines après le traitement, et les animaux sont toujours dans la catégorie des résilients. Donc il n'y a pas de remontée des symptômes ultérieurement. Et ce qui est assez aussi spectaculaire, c'est qu'avec une équipe italienne dirigée par Martina Massari, on a regardé l'état des cerveaux après la dernière exposition à des indices de rappel. Chez des animaux qui ont eu l'ocytocine, mais 15 jours auparavant, toutes les modifications qui avaient été induites au niveau de diminution de contact synaptique étaient revenues à l'état normal. C'est-à-dire qu'on a non seulement eu une récupération au niveau comportemental, mais on a également pu mettre en évidence une récupération des indices morphologiques qui avaient été bousculés, modifiés par l'état de stress post-traumatique. Voilà, ces travaux de recherche sur les modèles murins de traitement de syndrome de stress post-traumatique. J'aimerais entendre votre réaction l'un et l'autre à ce reportage, Catherine Belzung. Oui, effectivement, il existe actuellement de nombreux travaux en fait qui essaient d'élucider un petit peu les mécanismes qui sont à la base des états de stress post-traumatique en se focalisant beaucoup sur la composante mnésique. Puisqu'effectivement, le grand problème des personnes qui sont atteintes d'état de stress post-traumatique, c'est qu'elles n'arrivent pas, en quelque sorte, à effacer le souvenir post-traumatique qui revient de manière intrusive sans que les personnes puissent le contrôler. Donc effectivement, il existe beaucoup de... Souvent, on pense que cette absence de... Comment dirais-je ? Cette incapacité à effacer le souvenir traumatique est liée à un déficit d'extinction. Qui est donc la possibilité de, non pas oublier le souvenir, mais d'apprendre que le contexte dans lequel le traumatisme est survenu peut ne pas être dangereux. qu'il n'est pas systématiquement dangereux. Donc, effectivement, c'est une des approches. Faut bien préciser, on a déjà mis le lien sur le fil Twitter de l'émission @ la méthode FC. Nous avions consacré une émission entière à ce syndrome de stress post-traumatique. Je crois qu'il me souvenir que c'était un an après les attentats du 13 novembre, puisqu'il y a une grande cohorte, une étude qui avait été commandée par le CNRS à ce propos, qui était effectivement assez passionnante d'un point de vue neuroscientifique, que le syndrome de stress post-traumatique pousse les gens qui le vivent à revivre exactement, finalement à déclencher, en fait, Thomas Bienvenu, toute la réponse physiologique de la peur, alors qu'il n'y a plus de stimulus pour la déclencher. Alors effectivement, il y a tout ce cortège de symptômes dits intrusifs, en tout cas involontaires, qui vont amener le sujet à revivre des choses proches ou à l'identique. Et ça se produit non seulement de jour, spontanément ou lors de la rencontre d'indices qui rappellent le contexte de l'événement, mais encore plus mystérieux, ça se produit également la nuit au cours de cauchemars. Alors dans la classification nosographique de statistiques des maladies mentales, qui est un petit peu la bible de la psychiatrie moderne, qui est un manuel américain, tous ces symptômes sont regroupés sous le même chapeau de l'intrusion. Néanmoins, ça pose quand même la question de la manière dont l'expérience subjective est revécue de nuit, en dehors de toute stimulation. Donc ça, ce sont les premiers symptômes, et Catherine Belzung l'a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi. Il y a d'autres symptômes, en particulier l'anxiété et l'évitement lié à l'anxiété. L'évitement, ça veut dire « je vais essayer » pour un soldat qui aurait été victime d'un attentat ou d'un objet piégé, de ne pas me rapprocher de lieux qui y ressemblent ou d'objets qui y ressemblent. Donc il y a tout ce cortège d'évitement, et il y a aussi énormément de symptômes liés au processus général des émotions et à la motivation, avec un tableau soit d'un côté assez négatif, plutôt déprimé, soit en miroir quelque chose de plutôt de l'irritabilité, d'être énervé, d'être très en colère, de se battre énormément et de se calmer avec des substances. Ça, on le sait également avec le trouble de stress post-traumatique. Et enfin, dans ce dernier cortège de symptômes, il y a les impressions liées à la pensée, liées au monde, liées à soi. Alors, on appelle ça maintenant les cognitions erronées. Néanmoins, ça pose énormément de questions au-delà de l'heuristique de la peur conditionnée. C'est qu'est-ce que sont ces impressions? Alors, en sciences cognitives, ce sont des cognitions erronées. Les psychanalystes Freud appelaient ça des brèches du moi et des reconstructions duelles du moi. Néanmoins, ça pose toujours cette question. Et par exemple, concrètement, si vous pouviez nous donner un exemple de ce type de construction erronée? Oui, bien sûr. C'est par exemple, après avoir vécu un attentat, toutes les terrasses de café sont dangereuses et je ne vaux plus rien. Quand je vais boire un café, non seulement j'ai peur, mais je suis atteint dans ma représentation de moi-même et des autres. Les autres sont tous des dangers, par exemple, où je dois être un agresseur pour ne pas mourir. Il y a d'autres, on entendait là dans le reportage, il y a plusieurs pistes thérapeutiques qui sont évoquées. On a entendu les travaux qui sont faits sur les amphétamines notamment. Il y a eu des publications assez récentes aussi, très encourageantes, sur un bêta-bloquant, le propranolol. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Catherine Belzung. Oui, effectivement, je pense qu'il y a aussi des études de ce type qui sont en cours dans notre laboratoire, en particulier sur des populations d'enfants qui ont subi des traumatismes. Et effectivement, ça semble marcher remarquablement bien. Dans notre laboratoire, nous développons également des techniques de neurostimulation associées en fait à des psychothérapies. Là aussi, les résultats sont très encourageants. En fait, là, l'idée consiste, disons, on sait qu'il existe comme un substrat cérébral de l'extinction de la peur. Et du coup, ça consiste en fait à activer ce système. Donc, on active le système, disons, la peur en évoquant le souvenir traumatique. Et en même temps, on va, par des techniques de neurostimulation, comme la stimulation magnétique transcrânienne, par exemple, manipuler la région qui n'arrive pas à éteindre le souvenir traumatique. Et ce sont des approches qui ont des résultats tout à fait remarquables, enfin même si actuellement les études sont en cours et ne sont pas encore terminées. Elles sont faites par mes collègues cliniciens ici. J'aimerais qu'on parle plus généralement effectivement de ces troubles de la relation à la peur, des crises d'anxiété, des crises d'angoisse qui sont très liées. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot d'ailleurs, Thomas Bienvenu, du lien qu'il y a entre le sentiment de peur, le ressenti de la peur et ces crises d'anxiété anormales, surnuméraires, trop intenses que beaucoup de personnes peuvent ressentir et vivre au quotidien. Ce sont les mêmes mécanismes? Alors on ne sait pas, en grande partie. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que c'est ce que vous appelez ces crises d'angoisse, ces attaques de panique, elles sont au-delà de l'anxiété qui est physiologique, que l'on connaît tous, et qui font le trouble, qui font l'attaque. Elles sont subites, elles sont brutales, et elles sont non seulement cognitives, mais aussi physiques. Et on revient à cette notion, et c'est bien décrit dans ce qui fait ce trouble, c'est à la fois la sensation de peur, de mort imminente, et les symptômes physiques ressentis très intensément. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose de normal, c'est un sentiment normal. Il y a même des études assez récentes qui disent que finalement nous vivons dans un état d'anxiété légère permanente, qui est une forme de vigilance, d'adaptation au monde extérieur, qui est quelque chose de tout à fait naturel. Absolument, c'est vital d'autant que l'est la peur, et on peut également penser, enfin vous m'excuserez le lieu commun, hein, mais que cette anxiété permanente, elle est également liée à l'augmentation des stimulations extérieures liées à la technologie et au monde du travail moderne. Et on s'explique en grande partie l'explosion des pathologies anxieuses et dépressives par cette sursollicitation du système de la peur et de l'anxiété. Catherine Belzoum, sur ce lien entre les troubles de l'anxiété et les mécanismes de la peur que nous venons de décrire dans cette émission. Je comprends pas bien la question. Pardon, okay. C'est-à-dire que ce sont les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que les troubles de l'anxiété sont forcément un dysfonctionnement des mécaniques neurophysiologiques de la peur. Oui, c'est un petit peu ce qui est observé effectivement, c'est-à-dire il y a ce système de la peur qu'on a décrit au début de l'émission, enfin ce système à trois étages où il y avait l'amygdale plus les zones efférentes plus les zones de contrôle de l'amygdale. En réalité, ce qu'on observe dans les situations d'anxiété pathologique, c'est une suractivation du système de la peur, donc effectivement une suractivation de l'amygdale et une baisse de la régulation faite par les circuits préfrontaux. Donc c'est comme si le circuit de la peur normal était altéré chez ces patients. Thomas, bienvenue. Et tout à fait. Alors pour compléter, quand je disais qu'on ne sait pas en grande partie, effectivement ce que l'on sait, ce sont ces résultats issus d'expériences d'imagerie fonctionnelle chez les patients, hein, chez lesquels nous avons la chance, quand ils sont d'accord, de faire ces mesures. Et notre représentation de ces mécanismes est la mise bout à bout de ces expériences d'imagerie fonctionnelle, un petit peu grossières néanmoins chez l'homme, avec notre connaissance un petit peu plus fine des circuits chez les modèles animaux dont nous avons besoin pour comprendre tout ça. Que nous disent aujourd'hui les études, notamment sur un dysfonctionnement du rapport à la peur, que sont les phobies qui peuvent être très légères ou, au contraire, quand elles sont très fortes, quand elles sont très nombreuses, extrêmement incapacitantes? Est-ce qu'on a des études, de la littérature scientifique à ce sujet? Est-ce qu'on comprend ce qui dysfonctionne dans le cas d'une phobie, Thomas, bienvenue. Alors, on revient à ces mêmes notions qui, pour l'instant, constituent nos hypothèses de travail principales. Hein. Quand on rencontre ces patients, en particulier le trouble de stress post-traumatique ou les phobies dites spécifiques, comme la phobie des serpents, des araignées, hein, qui sont très fréquentes, ce que l'on se représente, c'est soit une sursollicitation du système de la peur, de l'amygdale, par exemple, et ou une inactivation ou une activation insuffisante du système de contrôle de la peur. On parlait tout à l'heure du cortex préfrontal. Ce sont des fait très retrouvé dans la littérature scientifique, en particulier en imagerie fonctionnelle chez ces patients. Catherine Belzoung. Oui, il faut voir que vraiment ce sont deux régions qui sont interconnectées, c'est-à-dire l'amygdale d'une part et puis les régions préfrontales d'autre part. Ce sont des régions qui communiquent entre elles, c'est-à-dire que en quelque sorte l'amygdale envoie des informations au cortex préfrontal pour dire en gros je suis suractivé, et du coup le cortex préfrontal peut envoyer par le biais d'un contrôle inhibiteur des informations sur l'amygdale pour inhiber l'amygdale. Donc c'est vraiment un système de dialogue entre ces deux systèmes, et donc soit c'est une partie du système qui dysfonctionne, soit c'est l'autre, c'est-à-dire soit c'est l'amygdale qui dysfonctionne, soit c'est le cortex préfrontal, soit, autre possibilité, c'est le lien entre les deux. Il y a aussi des études qui ont montré, par exemple des études très récentes, qui ont montré chez des patients qui ont une vulnérabilité importante à développer des conduites de peur, il y a un déficit de la connexion entre les deux structures. Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, Thomas Bienvenu, vous évoquiez par exemple la phobie des serpents ou des araignées. Je mentionnais cette étude qui avait été faite sur des nouveau-nés de 6 mois qui ont montré précisément des images d'araignées, des images de serpents, et notamment celles d'araignées, pour montrer que ces peurs-là étaient tout à fait innées et pas acquises. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on comprend ce qui se passe quand ces phobies sont surexprimées ? Est-ce que c'est une dysfonction innée ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être lié à un événement traumatique ? C'est l'interaction des deux, vraisemblablement. C'est le modèle un petit peu général dans la pathologie mentale, l'interaction gène-environnement, ou en tout cas patrimoine biologique-environnement. Alors, ce peut être une rencontre précoce dans la vie avec un danger qui a été réel. Dans certaines phobies, je pense en particulier à la phobie de la déglutition. On peut avoir fait une fausse route dans l'enfance et avoir peur d'avaler par la suite. Ce peut être également dû à l'interaction entre facteurs de risque génétique, biologique et un vécu plus général d'insécurité, par exemple, où la pathologie anxieuse fait son lit. J'aimerais, pour conclure, puisque nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission, vous poser une question un peu sur, aujourd'hui, l'usage. Vous l'évoquiez à l'instant, Thomas, bienvenue, je vais rebondir là-dessus. Finalement, le niveau d'anxiété générale ou la sollicitation, l'usage de la peur qui est fait aujourd'hui, l'usage récréatif, on l'a entendu au tout début de cette émission, via des films, mais pas uniquement. Il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, la peur peut être utilisée comme un moyen de marketing. C'est-à-dire que on montre qu'en utilisant, en ayant recours au système de la peur, de l'inquiétude, eh bien, les messages passent mieux, ils sont mieux reçus, ils sont mieux retenus. Est-ce que cela, vous pouvez le confirmer, l'infirmer ? Est-ce qu'on l'explique ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, même de façon clinique, finalement, Thomas Bienvenu ? Que les émotions modulent la force de la mémoire, et même quand un message est présenté de manière implicite, c'est certain, c'est montré en psychologie expérimentale et c'est également retrouvé chez l'animal. Pour plusieurs raisons, mais l'amygdale est interconnectée avec ce cortex préfrontal, mais également avec une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est à proximité de l'amygdale chez l'homme et qui est extrêmement interconnectée et responsable de la mémoire. Et donc l'amygdale, quand elle est activée, vient moduler directement ces régions responsables de la mémoire, mais également indirectement par la libération des hormones dont nous avons parlé tout à l'heure. Catherine Melzoung. Oui, je dirais que non seulement effectivement l'amygdale module les systèmes de mémoire, mais elle module également les systèmes sensoriels. Ce qui fait que en situation de peur, en fait, certaines informations du monde environnant sont mieux détectées. C'est-à-dire, par exemple, si on vous passe, je ne sais pas, si on vous présente une planche avec, imaginons, 60 photos, et que l'une des 60 photos représente une migale bienvenue, vous allez détecter davantage cette photo-là que d'autres photos neutres, des photos de granges, de champs ou je ne sais quoi. Enfin, donc, ça veut dire que le système de la peur également a comme une action sur les systèmes sensoriels eux-mêmes. Ce qui m'amène, parce que effectivement cette étude avait été faite par une université des Pays-Bas qui proposait des abonnements à un journal, l'un utilisant un argument qui convoquait une image violente de mort et l'autre une image neutre. Et effectivement, la première campagne était mieux mémorisée et finalement suscitait plus de réactions que la deuxième. Ce qui m'amène finalement à poser cette question un peu paradoxale pour boucler cette émission et conclure, qui est de se dire finalement aujourd'hui nous, en tant que société, que civilisation, nous nous sommes éloignés de l'état sauvage, donc de ces peurs instinctives, de ces peurs réflexes que l'on décrit en éthologie très bien et dont vous parliez tout à l'heure. Et en même temps, aujourd'hui, vous venez de dire l'un et l'autre que nous vivons dans un état d'anxiété un peu soutenu, un peu entretenu, que nous sommes souvent sollicités par des messages publicitaires, par des fictions, par des messages politiques également, qui viennent déclencher ces mécanismes d'anxiété et de peur. Est-ce que finalement, nous avons quitté une peur primale, primitive, pour revenir à un état de peur entretenue, permanente, constante? Est-ce que c'est là aussi quelque chose que l'on peut constater dans une activité clinique qui est la vôtre, Thomas Bienvenu? C'est difficile de répondre à cette question. C'est effectivement, donc dans le service du professeur Aouizerat à Bordeaux, j'ai la chance de rencontrer, je ne sais pas si c'est une chance pour eux, mais j'ai la chance de rencontrer ces patients qui souffrent d'anxiété, par exemple d'anxiété généralisée, et qui très souvent rapportent des difficultés liées à la gestion de leur stress au travail. Donc on a un petit peu éludé cette notion de stress qu'on a abordée en début d'émission, mais qui est la sollicitation de l'organisme par les stimuli extérieurs. Hein, simplement, c'est la définition originelle du stress. Et effectivement, ces personnes rappellent une sursollicitation, des difficultés à gérer, et lors du débordement complet, une sorte de lâchage de ces barrages émotionnels, et ils arrivent dans la pathologie. Catherine Belzung, aujourd'hui, effectivement, ce sentiment de peur à bas bruit n'est plus tellement à bas bruit, mais au contraire, la peur est vraiment devenue un des outils de communication moderne à laquelle nous sommes tous collectivement soumis de plus en plus fréquemment et presque en quasi-permanence. Oui, je pense en effet que, enfin, la peur ou les émotions de façon plus générale sont présentes un petit peu partout. Enfin, elles sont dans le management, elles sont dans le marketing. Enfin, elles sont utilisées en fait comme un outil, je dirais, de manipulation. Enfin, dans la politique aussi, ne nous cachons pas. Les hommes politiques également. Il y aurait beaucoup d'études à faire dans ce domaine. Vous voulez dire sur la peur en tant que message politique? Ben, la peur utilisée pour déclencher des votes, ça a été étudié, par exemple, en fait, que pendant que des gens sont en train de voter, en fait, le fait d'avoir peur de telle et telle conséquence possible peut inciter les gens à voter d'un bord ou d'un autre. Thomas, bienvenue sur cette question. Notre connaissance des émotions et la façon de la manipuler pose de multiples questions éthiques. Effectivement, on s'en sert en neuromarketing. Et également avec beaucoup d'expérience d'IRM fonctionnelle dans ce domaine qui est à cheval entre le business et la science, en politique également, et ça nous pose d'autres questions éthiques dans le traitement, comme par exemple lorsque dans le laboratoire là, à Bordeaux de Cyril Herry avec le professeur Aouizerat, nous imaginons, tout comme le fait Catherine Belzung avec le professeur Ella Jatour, nous imaginons de la neuromodulation pour diminuer cette anxiété, cette peur, jusqu'où la diminution de la peur et de l'anxiété intervient pour créer un homme nouveau. Bien, ce sera le mot de la fin dans cette période préélectorale. Ne vous laissez pas influencer par les messages de peur qui vous entourent ou qui vous sont transmis via divers médias. En tout cas, merci à tous les deux. Thomas, bienvenue. Merci beaucoup, Catherine Belzung. Rappelle merci que on peut vous lire dans Neurobiologie des émotions aux éditions PPR. Merci également à nos camarades de France Bleu Touraine à Tours pour le duplex. Un mot pour vous dire que si vous voulez passer un week-end éloigné de la peur, venez donc si vous êtes en région parisienne ou si vous y passez au Centre Pompidou à Beaubourg pour le festival Imagine, qui est un festival en partenariat avec France Culture. Tout plein de producteurs, plein de masterclass, des performances tout au long du week-end. Ça se passe samedi et dimanche. Ça s'appelle Quelle histoire ? On va parler de la grande histoire, mais aussi des petites histoires. Pour ma part, j'aurai le plaisir d'animer 2 heures de ce marathon radio dimanche de 16h à 18h avec ma camarade Mathilde Serrel. Il sera notamment question du retour à l'état sauvage ou de la fin du monde. Et de l'après, de demain, de la fin de l'histoire. On en parlera dimanche au Centre Pompidou. C'est un accès gratuit et vous avez toutes les informations sur le site de franceculture.fr. On vous les poste également sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Éléonore Pérez, Tom Humdenstock, Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous remonterons aux origines de notre univers, jusqu'à l'ère de Planck, soit 10-43 secondes après le Big Bang et peut-être même au-delà, en compagnie de deux grands spécialistes de la question, Françoise Combes et Jean-Philippe Usan. Ça se passe demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.